Antena 1. E já são 6 da tarde no continente e na Madeira. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. Oh my god, I can't do this. Wow! On the rocks. Wow! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus avec une émission spéciale ce soir, une interview, et ça, ça fait bien plaisir. Cette émission a 33 ans, messieurs, dames, oui, 33 ans. Ça fait un long moment que je vous parle dans ce micro, et bien figurez-vous qu'il y a 30 ans, ma première interview était une interview de Daran, car parfois on se passe des morceaux où ça chante en français dans On The Rocks, ça peut arriver. La preuve, Arthur H. et Catherine Ringer lancent le générique, c'est pour vous dire. Eh bien, il y a 30 ans, donc, c'était la première interview d'On The Rock. J'étais fébrile. C'était un artiste que j'admirais pour son album qui venait de sortir, qui s'appelait 8 Barrés. C'était le deuxième album de son groupe qui est né la même année que l'émission, 1992. Daran a commencé sa carrière discographique. Quand j'ai commencé cette émission, eh bien, 30 ans plus tard, je l'ai retrouvé le 13 novembre dernier au Bouillon, à Orléans. Il était en concert, en trio, enfin, transformé en quatuor, on en reparle. Et ça va être cette interview. On va regarder dans le rétroviseur de cet artiste qui a une vraie singularité, une voix impeccable, quelques excellents morceaux à son répertoire et quelques albums assez incontournables. On en reparle juste après. On va commencer avec le coup de cœur comme d'habitude dans The Rocks. Ce coup de cœur, c'est un nouveau morceau de l'artiste qu'on s'est déjà diffusé pas mal de fois dans The Rocks, qui s'appelle Jonathan Jeremiah, qui vient de sortir son nouvel album. Et on retrouve le Jonathan Jeremiah qu'on a toujours aimé dans cette émission, c'est-à-dire une voix assez chaleureuse qui tend vers le black, avec des harmonies vocales derrière assez imparables, et puis une ambiance un peu qui est assez grandiose, mais jamais grandiloquente. On va se passer un extrait de cet album de Jonathan Jeremiah qui est pas si loin de ce que peut faire un Michael Kiwanuka. J'espère que si vous connaissez, vous allez apprécier. Si vous ne connaissez pas, je vous envie. Voici donc Jonathan Jeremiah avec Lorraine and the Mermaid. C'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Rain, tail flickering. savoring indefinitely, all blissfully. Walking barefoot through the waves to the sweetest serenade, with a siren by the side. As the sun did fade, the ocean grew dark, the mermaid drew away. She said, oh, no way to hold back the tide, no need to even try, we are forever bound. So when you sing along, through the waves to the sweet serenade, the sirens by your side all the way, spraying through oceanic blue, singing along to I'm lost without you. Voilà une bien belle façon de commencer l'émission ce soir dans The Rocks. D'abord, c'était Jonathan Jeremiah avec Lorraine and the Mermaid. Et puis à l'instant, vous l'avez peut-être reconnu, et merci à David Feknam pour ça. J'avais pas vu qu'il avait sorti un nouvel album. C'était Grant Lee Phillips. Vous reconnaissez cette voix qui était celle de Grant Lee Buffalo, qui elle aussi a démarré il y a 30 ans cette carrière. À l'époque, l'émission de The Rocks avait donc un an lorsque Grant Lee Buffalo a sorti son premier album. Et je l'avais beaucoup, beaucoup défendu à l'antenne. Bien voilà, Grant Lee Phillips revient 30 ans plus tard avec ce Did You Make It Through the Night OK, tiré de son dernier très très bel album. Ça n'invente rien, mais il le fait très très bien, ça, Grant Lee Buffalo, enfin Grant Lee Phillips, depuis Grant Lee Buffalo. Voilà, je vous conseille vraiment d'écouter cet album. Ce soir, c'est une émission spéciale dans The Rocks, émission spéciale d'Aaron. Très émouvant pour moi de me retrouver face à ce gars que j'avais interviewé donc il y a 30 ans. Première interview de l'émission de The Rocks, il y en a eu beaucoup depuis. D'Aaron, je le suis depuis le premier album. Pour être honnête, depuis le deuxième, depuis 8 barrés, l'album avec D'Aaron et les chaises, son groupe. Et puis, il y avait eu un album 2 ans plus tôt qui s'appelait J'évite le soleil, que j'ai découvert ensuite, 1992. Que 2 albums D'Aaron et les chaises. 8 barrés, ça a été son plus gros succès avec Dormir dehors, qu'on va se diffuser ce soir dans une version live. Et puis, après, il y a eu des albums solo. D'Aaron qui a touché un peu à tout, avec des sonorités un peu électroniques, avec des albums très épurés, dont on reparlera aussi dans l'émission, avec des sommets dans sa carrière, comme l'album Augustin et Anita. Et puis, il est revenu là avec un album. Il n'avait pas tourné depuis 8 ans. Il est revenu avec cet album qui s'appelle Grand Hôtel Apocalypse. On va se passer 2 morceaux de cet album ce soir, dont un en ouverture dans pas plus tard que tout de suite. Voilà, album vraiment avec des morceaux sympas de D'Aaron. Et donc, ça a été l'occasion pour lui de réorganiser une petite tournée en power trio, c'est-à-dire que lui tient la basse et parfois la guitare acoustique, guitariste électrique et batteur. Sauf que 2-3 jours avant la date d'Orléans, au Bouillon, eh bien, il s'est, je ne sais pas quoi fait au bras, mais il avait le bras en écharpe, impossible de jouer de la guitare. Donc, il y a eu un bassiste qui est arrivé en super-héros. Il va nous en parler dans cette interview. Donc, je vous laisse retrouver D'Aaron, mais d'abord un morceau pour l'annoncer, et il va s'annoncer lui-même. Salut, c'est D'Aaron. L'émission s'appelle On The Rocks avec un Z, quoi. Je n'ai jamais vu Eh oui, il faut reprendre l'antenne, mon ami. C'était Daran, donc, tiré de son dernier album « Je n'ai jamais vu personne ». Voilà, et donc, je n'ai pas pu résister pendant cette interview, 30 ans plus tard, 30 ans après la première entrevue, on s'était jamais revu depuis, de regarder un petit peu dans le passé et de survoler comme ça sa carrière. Il a une voix, Daran, il a des textes qui étaient ceux, au départ, de sa compagne, qui malheureusement a disparu maintenant, qui s'appelait Alana Filippi, qui lui faisait des textes sur mesure. Eh bien, il a su rebondir. Il a des textes souvent sombres, souvent un peu désespérés, mais toujours avec cette voix qui, moi, me parle depuis le départ. Il y a 30 ans, j'avais vu un jeune mec d'une trentaine d'années sur scène, sautant partout, les cheveux longs, vraiment bête de scène et très charismatique. Ben voilà, j'ai retrouvé quelqu'un de plus apaisé, 66 balais, le cheveu un peu plus blanc, mais en tout cas, toujours cette malice dans l'œil, cette vision des choses et puis cette voix. Et bien c'est parti. Voici une interview de Daran réalisée le 13 novembre dernier. Drôle de date d'ailleurs. 13 novembre dernier pour aller voir un concert avec Jekyll Wood en première partie. C'était vraiment très bien. On en reparlera sûrement bientôt dans On The Rocks de Jekyll Wood. J'espère qu'il viendra dans les studios. C'est parti. Interview Daran ce soir spécial On The Rocks. Eh bien 30 ans plus tard, et nous n'avons changé ni l'un ni l'autre, je me retrouve à nouveau face à Daran. Salut. Salut. Très heureux de te retrouver, longtemps après, c'était la première interview d'On The Rocks il y a 30 ans, et depuis il y en a eu quelques-unes, mais vraiment un grand plaisir de te reparler à nouveau. Est-ce que le plaisir de jouer, alors je me souviens qu'à l'époque où je t'avais vu et je t'avais interviewé, il y avait une joie évidente de jouer sur scène, c'était lumineux. Est-ce que cette joie de jouer sur scène est restée intacte, malgré les bras en vrac? Totalement, oui. Ouais, bah, de toute façon, je pense pas que ça soit faisable ce métier sans cette force atomique, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, le désir de monter sur scène est intact, totalement. Donc là, c'est en version. Alors, comment ça se passe? Parce que donc tu tenais la basse, la guitare. Là, t'as un bras un petit peu abîmé. Donc comment ça se passe? On passe un coup de fil, vite vient. Comment on fait? Alors dans le malheur, on a eu une chance extraordinaire, c'est que Fred, qui est notre régisseur depuis des mois, est aussi un bassiste. Mais un bon bassiste, hein, Elmer Footbeat, Red Cardle, enfin c'est un vrai bassiste de métier. Donc en 4 jours, il a appris tout le répertoire et il est sur scène avec nous. Donc ouais, c'est assez rock'n'roll. Qui m'interdira les miens? On voudrait me dicter le chemin, seulement les trous noirs se troublant. Et si ce sens n'était pas le bon, j'irais ailleurs faire fortune. Je mettrais les carrés dans les ronds et les photos m'attendent sur la lune. Mais on maîtrise bien le phénomène, c'est l'imagination qui se promène. On a même inventé la censure pour les vents d'essai des sables obscurs. Seulement les trous noirs se troublant. Seulement les trous noirs se troublant. Bref, voilà ma vie, c'est de croire à la terre qui rit sous mes pieds, c'est de croire en Dieu entre midi et deux, même s'il se fout de l'eau de mes yeux. Bref, voilà ma vie. Bref, voilà ma vie, ma vie. Bref, voilà ma vie, ma vie, ma vie. Je descends la rue en sens interdit. Ça m'a m'amuser, cette raison suffit. J'ai la certitude que ceux qui le font pas m'envie et se retiennent. Le morceau de Daran a été enregistré en 2018 au Canada, là où il vit désormais, mais il figurait sur son album le plus célébré, je pense. C'était l'album 8 Barré, qui est sorti en 1994, qui était un album de Daran et Les Chaises, son groupe de l'époque. Et c'est un morceau absolument génial, je trouve, dans l'écriture, dans la construction. Et il ne l'a pas joué au bouillon, c'est dommage, mais en tout cas, ça fait toujours vraiment un grand plaisir de réécouter ce morceau. Ça s'appelait Les Trous Noirs, et on va retrouver Daran, et on reparlera d'ailleurs de cet album de 94. L'album s'appelait 8 Barrés. On se passera le morceau 8 Barrés de l'album juste après, mais voici la suite de l'interview de Daran, enregistrée le 13 novembre dernier au Bouillon à Orléans. On va à la fois parler du dernier album, et puis aussi on va regarder dans le rétro, parce que 30 ans quand même, on va un petit peu regarder dans le rétro. Comme le dit un de tes titres du dernier album, est-ce que toi aussi parfois l'adolescence t'interpelle ? Eh bien, si je me retourne, finalement, je crois que j'ai quand même eu la vie que j'espérais quand j'étais adolescent, ouais, quand même. Ouais. Une grande... j'ai conscience d'être un grand privilégié. De toute façon, je pense que déjà, si on le seul fait de survivre avec ce qu'on aime, on fait déjà partie des privilégiés dans ce monde. Donc voilà. Et moi, je vis correctement avec ce que j'aime. Et puis j'ai parfois manqué d'argent dans ma vie, mais j'ai jamais manqué de travail, quoi. Et est-ce qu'à certains moments, musicalement ou autre, il y a eu cet adolescent qui t'a tapé sur l'épaule en disant hey, tu t'éloignes un peu du chemin, reviens ou... Ah, le chemin musical, il n'était pas tracé à l'adolescence. De toute façon, j'aime tellement de choses dans la musique. J'ai mon autre métier, c'est de produire des disques, et j'avoue que ça me nourrit tellement de travailler avec des gens qui font des choses différentes de moi. Quand je produis, je fais pas du daron pour les autres. Je suis au service d'eux, et j'adore. Les gens peuvent pas s'imaginer à quel point j'adore arranger des cordes, à quel point j'adore bidouiller des synthés sur des trucs électro, à quel point, voilà, il y a pas des styles bons et des mauvais styles, il y a des trucs bien et des trucs nazes dans tous les styles, mais il y a des trucs extraordinaires dans tous les styles. Quoi. Tous les huit de l'année, avec un big quatre couleurs en souvenir de ce tramway qui emportait les fontaines et les rêveurs tous les quarts d'heure. Et ce chiffre prisonnier de sa rature en biais voulait s'enfuir. Seul derrière son bar, et moi transi de froid rayé dans mon polo, j'étais seul aussi. cailloux recouche, c'est une armure. Mes lois roulées sur les pierres, et j'ai gardé ce chiffre vert pour mes blessures. Et je marche sur les rails, les cheveux en bataille. Rien ne me résiste, les huit ne sont tristes que dans mes souvenirs. Les jours de grève, j'attendais le huit pareil. Et je rentrais en suivant la voie ferrée. C'était en 1994, c'était Daran à l'époque, Daran et les chaises, avec ce magnifique morceau où il nous raconte son enfance à Turin, puisqu'il est, il était expatrié à Turin avec ses parents. Et donc ce bus, ce tramway 8 barré, c'était à Turin lorsqu'il rentrait de l'école. On le retrouve en interview et en bras cassés dans les loges du Bouillon. C'était à Orléans et c'était le 13 novembre dernier. Alors on parlait du rétroviseur, depuis 8 barré jusqu'à la pochette du dernier album, tu t'es souvent retourné sur ton enfance ? Quelle a été ta première illumination musicale d'enfance ? Est-ce que tu t'en souviens, le premier choc ? Le premier choc, alors c'est ma grande sœur qui a commencé à ramener Woodstock à la maison à l'époque. Mais j'étais, parce que moi je suis trop jeune pour Woodstock, mais elle, elle était en post-Woodstock. Donc elle ramenait des shows, donc j'ai un peu découvert à ce moment-là des tout ce qui était Hendrix et compagnie. Mais j'avoue que mon premier choc, mais presque c'est ma découverte de la prod, du son, quoi. Le premier choc, c'est que mes parents vivaient à l'étranger, donc j'ai été mis en pension en France, j'étais jeune, je devais avoir 11 ans. Et donc j'étais dans les tout premiers jours d'internat, j'étais dans le haut foyer, il y avait les grands qui passaient Instant Karma de John Lennon. Et comme font les ados, ils le passaient 20 fois de suite. Et ça m'a complètement interpellé. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'on pouvait sculpter le son comme de la matière, quoi. D'entendre cette batterie avec un son spécial, le slap sur la voix, et tout ça. Ouais. Et donc entendre, et ça a été mon éveil à la prod, mon éveil au son, quoi. J'ai jamais fait de musique sans toucher les boutons, mais là. Je pense que ouais, c'est une première étape, voilà. Together, darling, join the human race. Santana qui m'a fait découvrir le son dans la guitare dure. Je pense que dans les jours qui suivaient, j'avais acheté une disto et une guitare. C'est lui qui m'a fait acheter une guitare électrique. Après, il y a eu Pink Floyd. Après, enfin bref. Bon, oui. Donc ça, c'est la découverte de la musique, mais aussi la découverte de la promiscuité, peut-être, dans cette pension. Et des autres êtres humains. Alors, dans tes titres, depuis Le mec trop grand devant... Jusqu'à L'humain qui gêne depuis Mathusalem, on sent parfois une douce misanthropie dans tes morceaux, et en même temps, par ailleurs, une grande tendresse pour Augustin, Anita ou d'autres personnages. Mais est-ce que tu te sens à part? Je suis un paradoxe, comme plein de gens. C'est-à-dire, je suis un humaniste misanthrope. on dirait que c'est l'alliance de la carpe et du lapin, mais en fait, pas tant que ça, parce que je désespère parfois de voir certains, mais je trouve que il y a quand même toujours une personne dans cette immense masse d'abrutis qui vaut le coup qu'on continue, quoi. Voilà, il y a quand même des êtres extraordinaires autour de soi, et donc je sais pas si on peut aimer l'humanité dans son ensemble et ou la détester dans son ensemble, parce que vraiment il y a de tout. sorti en 2000, c'était sur l'album, le deuxième album solo de Daran, après Daran et les chaises, c'était Augustin et Anita, tiré de ce très très bel album, peut-être un des meilleurs de Daran, que je vous conseille ce soir. Il y a Daran en interview dans The Rocks, 30 ans après notre première rencontre. Eh bien, je le retrouvais et j'en étais très heureux. Canada, à un moment, tu y es toujours, tu vis toujours là-bas. T'as mis les voiles vers le Canada, à un moment, tu y es toujours, tu vis toujours là-bas. Qu'est-ce qu'y a-t-il désormais de canadien chez toi? Le passeport. Je suis binational. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de canadien? Je sais pas, comme tous les expats, je pense que quand je suis là-bas, il y a des choses qui me manquent de l'Europe, et quand je suis en Europe, il y a des choses qui me manquent de là-bas, mais c'est pas tellement un problème. J'adore Montréal, je sais pas si je vais vieillir au Canada, parce que je me vois pas à 75 ans avec des hivers à moins 25. Même là-bas, hein, ceux qui ont un peu de sous, ils sont en Floride l'hiver. Hein, mais tant qu'on est en pleine bourme, c'est une ville super, Montréal. Il se passe plein de choses. La qualité de vie est sympa quand même. Ouais, les gens sont cool. Enfin, ils sont dans une espèce de normalité qu'on a un peu perdue. À quel point ça a impacté ta musique ou ta façon de composer ou... Peut-être des albums comme Le Monde Perdu ou des choses comme ça qui sont vraiment plus folk américaines. Enfin, on peut trouver là-dedans des choses un peu américaines que j'aurais peut-être pas faites si j'avais pas habité là-bas. Justement, je voulais en parler de cet album parce qu'on est en train de célébrer Nebraska de Springsteen 1904. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu ton Nebraska quand même. Je pense que tout le monde à un moment veut se confronter au dépouillement ultime, quoi. Donc c'était un peu, je me suis dit je vais faire un album guitare voix, quoi. C'est au moins on peut rien cacher sous le tapis. Donc il faut vraiment faut sortir les doigts pour faut que les compos soient vraiment au top, quoi. Ouais. Alors du coup, est-ce que moi c'est un album que je trouve magnifique. Est-ce qu'on se dévoile plus dans la douceur et l'épure ou dans l'électricité? Ça dépend. Je pense que je suis plus dévoilé dans le dernier album finalement que dans Le Monde Perdu ou qui sont des trucs plus sociaux, on va dire. Le Monde Perdu est un peu plus près. Disons que la part d'autobiographique est un peu plus importante peut-être dans Grand Hôtel Apocalypse. Ouais. C'est là, Yuri, Mario, Youssouf et moi. On buvait le temps qui passe en regardant le mur. Le mur du bout de la rue où on n'allait même plus. Sur le comptoir du mieux qu'en face. On répétait les mêmes conneries, les femmes le foutent. La vie. On était liés par l'amitié et frères de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Face au cimetière et au commissariat. Mieux qu'en face, ici c'est mieux qu'en face. Entrée dans le café, on n'a pas vu d'où elle venait. À peine si elle avait un corps, c'était un ange qui tombait là. Tout frais cueilli du ciel, une incroyable tombola. pays des flics, pays des morts. Elle commande un diabolo, elle boit à gorgée brève. C'est sublime comme se soulève sa chemise à petits carreaux. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Face au cimetière et au commissariat. Mieux qu'en face, ici c'est mieux qu'en face. Et mieux qu'en face, c'est déjà ça. Quand on n'a nulle part sa place, on cherche pas à occuper beaucoup d'espace. On se contente du mieux qu'en face. Et elle est repartie sans faire de bruit. On n'a rien dit, Yuri, Mario, Youssouf et moi. Et j'ai fixé son verre, la trace de ses lèvres, toute sa présence encore dans l'air, comme une preuve du paradis. C'est mieux qu'en face, et mieux qu'en face, c'est déjà ça. Quand on n'a plus nulle part sa place, on cherche pas à occuper beaucoup d'espace. On se contente de mieux qu'en face. On se contente de mieux qu'en face. Je veux plus rester là, je veux pas rester là. Je veux pas rester là. On the road. L'oubli. Dernier single en date de Daran, c'était En rêve, tiré de son dernier album. Et comme le temps presse, on le retrouve en interview. C'était le 13 novembre dernier, émission spéciale Daran, ce soir. Alors justement, il y a une part autobiographique dans cet album. Et puis, tes morceaux sont souvent chargés d'émotions quand même. Et dans cet album, il y a un morceau comme En rêve, par exemple, qui, j'imagine, est très personnel. Je vais pas aller plus loin sur ce sujet, mais comment est-ce que sur scène, tu te laisses pas déborder par l'émotion sur ce type de morceau? Est-ce qu'une fois que c'est composé, c'est une œuvre et tu l'as digéré, ou est-ce que parfois ça te chope? C'est Jacques Brel qui disait que quand on a envie de pleurer sur scène, si on arrive à se retenir, c'est les gens qui pleurent. Mais non, ce sont des fictions quand même, hein, ce sont des fictions, c'est-à-dire que c'est transposé, je raconte pas ma vie en fait, il y a des résonances, mais elles sont pas, non, elles me débordent pas au point de pas arriver à finir un morceau. Quelque part, j'avais un morceau qui m'amenait vraiment au bord de ça, c'est le Bal des Poulets, comme quoi, et pourtant c'est un morceau, c'est du social quoi, mais celui-là, j'avoue que, ouais. Depuis tout petit, on nous parque dans des toutes petites baraques, des cages à lapins, comme on dit. On a été élevé en batterie. Pourtant ici, il y a la campagne partout, des prés, des bois, le grand air et tout. Moi j'avais pas le goût des études, mignonne comme tu es, on me disait tu devrais faire mannequin. C'est vrai, j'avais des aptitudes. Mais moi je voulais rester dans le coin. Alors ici, c'est l'abattoir ou rien. Ici, c'est les poulets. Plus, tu ne sais pas qui va te plumer. Plus, bienvenue au bal des poulets. Au bal des poulets, on reçoit les poulets dans des caisses, ils ont grandi dedans, et puis on les met dans une pièce avant leur dernier jugement. C'est comme si on t'amenait au cimetière dans ton berceau directement. Dans les grands hangars sans lumière, c'est moi qui fais le jour, la nuit. Tic jour, tac nuit, et mes poulets s'éveillent, s'endorment. J'aime bien qu'ils dorment, c'est moins de stress. C'est moi qui suis leur norme, leur soleil, leur déesse. Je ne sais pas qui va te plumer, plus, et qui sait, peut-être qu'un jour ces plumes te feront voler, que commence le ballet. Bienvenue au bal des poulets. poulets dansent, la tête en bas, les pieds en l'air. C'est moi qui leur donne la cadence. C'est vrai qu'à la fin, on les tue. Mais moi aussi, j'avais prévu de finir ici ma carrière. Puis des beaux messieurs sont venus, je ne sais pas d'où Hong Kong, Paris, pour nous dire c'est fini, rentrez chez vous, l'abattoir ferme. Et nous on s'est senti floués, ridicules, inutiles, et les... Y'a quoi après? Plus, tu ne sais pas qui va te plumer. Plus, et qui sait peut-être qu'un jour c'est plus, te feront voler. Plus, te feront voler. Aujourd'hui je traîne mes jeunes rides. Dans les grands hangars vides. Est-ce que c'est dans la nature humaine d'aimer ces chaînes? Tic, jour, tac, nuit, je me demande où elle dort. L'âme des animaux morts, et je m'ennuie. C'était un boulot dégueulasse, une sauvagerie, un esclavage, mais au moins j'étais à ma place. Qu'est-ce que je vais faire à mon âge? Tic, jour, tac, nuit. Tic, jour, tac, nuit. L'album s'appelle Le Monde Perdu, il est sorti il y a une dizaine d'années et c'est peut-être le plus bel album de Daran, en tout cas le plus émotionnel, acoustique, entièrement avec une belle pochette. Je vous conseille vraiment cet album, c'était Le Bal des Poulets, donc à l'instant tiré de cet album Le Monde Perdu. Et maintenant on va retrouver à nouveau Daran dans les loges du Bouillon, interview enregistrée le 13 novembre dernier. Daran a eu un tube, c'était sur son deuxième album avec Les Chaises, qui s'appelait Dormir Dehors, un énorme tube, il en a pas eu d'aussi gros depuis, mais il ne renie pas ce morceau. D'ailleurs, il l'a joué ce soir-là, mais comme c'est lui qui devait jouer de la guitare acoustique, c'est Jekyll Wood qui l'a joué, et c'était vraiment très bien. Alors, il y a 30 ans, donc, on parlait à ce même micro, on avait parlé, donc on payait en francs, hein, on parlait... C'est le même micro. Et gros moyen. On avait parlé de Bryan Adams. Je me souviens parce qu'on était assez fans tous les deux de la première période de Bryan Adams. On avait parlé d'Abacab de Genesis, où tu m'avais dit que c'était un morceau génial pour les radios parce qu'on pouvait aller boire un café pendant Abacab, je me souviens de ça. On avait même parlé de Patrick Bruel, pour te dire l'époque. Quel artiste illumine aujourd'hui? Quel artiste, voilà, je te rencontre pour la première fois aujourd'hui, on va imaginer, et quels sont les artistes qui te suivent, qui ne te lâchent pas? Oh, j'ai évidemment fan de Pink Floyd, j'ai évidemment suivi toute la carrière de Radiohead parce que c'est pour moi les chercheurs d'aujourd'hui, au même titre que je suis tombé dans Billie Eilish aussi, parce que voilà, toutes les choses qui me... les gens qui font avancer le schmilblick, quoi. Voilà. Si tu chantes comme Johnny, c'est vachement bien, mais on l'a déjà, enfin tu vois. Tandis que des gens qui arrivent avec une nouvelle proposition, alors avec tout ce qu'on a sorti, voilà, ça, je crois que l'IA n'y arrive pas encore. T'as le bras qui est pété, mais t'as la voix qui est intacte. Moi, c'est quelque chose qui me sidère, c'est-à-dire que ta voix, en tout cas, sur ce qu'on en entend sur les albums, ta voix n'a pas bougé. Tu entretiens ça, tu fais gaffe, tu l'aimes ta voix, tu l'aimes pas? J'ai arrêté d'avoir une opinion sur ma voix, parce que longtemps, je l'ai pas aimée, et puis bon, je me dis que si les gens l'aiment, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dedans, mais non, je ne l'échauffe pas, je suis incapable, je n'ai jamais travaillé rien de la voix, je suis incapable, je connais même pas, je sais même pas ce qu'il faut faire, mais je chantonne tout le temps. Mes parents voulaient me jeter par la fenêtre quand j'étais petit, tellement je chantonnais en jouant au Lego, je suis toujours et dans la vie, je chantonne tout le temps. Je confirme, en rentrant dans ce bureau tout à l'heure, tu chantonnais. Ah bon ? Oui. Donc, je crois qu'elle se muscle malgré moi tout le temps, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui l'entretient. Oui, je peux encore faire les morceaux dans leur tonalité originale, mais... Je sais pas, tant mieux, hein, tant que ça dure, j'en profite. Dehors. Donc c'était Daran à l'instant qu'on retrouve en interview. J'espère qu'on va avoir le temps de se passer l'intégralité de l'interview de Daran. C'est un peu long en fait cette interview, mais en tout cas elle sera en intégralité sur le site ontherocks.net si jamais je n'ai pas le temps de la boucler ce soir. Enfin, je la boucle maintenant, ma bouche, pour vous faire écouter Daran. Alors il y a cette constance dans la voix, et puis il y a eu des virages quand même à 90 degrés dans ta discographie. Je parlais, j'ai eu la chance de faire une belle interview avec Carole Poupeau, qui me racontait l'enregistrement de Déménager, l'album, qui avait été une sacrée surprise à l'époque. C'était, ça avait été un sacré virage, c'était juste au sortir de Daran les chaises, me semble-t-il. Lui, il avait un souvenir de, il me racontait qu'il c'était génial. On arrivait en barque, on allait enregistrer en barque. Donc quel souvenir tu as de cette collaboration avec Carole et puis de cet album là qui était qui était un changement pour toi. Voulu, hein. C'était ma, mais c'est pour ça que j'ai pris Carole. C'est parce que moi je commençais à m'intéresser beaucoup au synthé et à tout ça et lui était plus fort que moi là-dedans, donc c'est lui qui s'est occupé de beaucoup de choses, tout ce qui avait un peu d'électro dans cet album, c'est pour ça qu'il était là. Donc c'était un studio qui s'appelait Morley Knight, qui a fermé d'ailleurs, qui n'est plus, mais c'était un gros studio au Québec justement, et où on enregistrait Police, où on enregistrait la fièvre du samedi soir, enfin les Bee Gees, enfin vraiment un gros studio. Et effectivement, de la guest house était de l'autre côté du lac, donc on pouvait venir en pédalo au studio. Déménager, en fait, c'était j'ai pas été malin, parce que à la même époque, et sans qu'on s'en parle vu que on se connaissait pas, U2 a fait exactement le même virage. A sorti un album avec de trucs très électro et tout ça. Là où ils ont été beaucoup plus malins, c'est que le single qu'ils ont sorti, c'était du U2, c'était une vraie song, guitare-voix, etc. Donc peut-être j'aurais dû glisser dans cet album une chanson à la Dormir dehors, un truc où on m'attendait une vraie song avec de la guitare sèche et tout ça, une porte d'entrée, voilà. Moi, à l'époque, je faisais ce qui me plaisait, mais j'ai continué à faire ce qui me plaisait. Alors, ça m'a sûrement porté préjudice. J'aime bien partir feuille blanche. J'aime bien me mettre un nouveau tuyau sur chaque album, selon ce que j'aime. Voilà. Et finalement, je trouve que je peux mettre à côté des morceaux du premier album et du dernier. Ils sont pas. Le lien se fait quand même. Donc, malgré tout, mes virages et mes. Voilà. Effectivement, il y a des gens qui ont fait des carrières entières en faisant le même morceau. Les Goldman, les Cabrel, et tout ça. Enfin, pas le même morceau. C'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire, c'est au contraire, c'est une force. C'est-à-dire, même son, même esprit, même là. Et donc, les gens savent, ils vont, paf. Ils arrivent exactement dans le même style à replanter des grosses bétonneries. Et voilà. Moi, j'avoue que j'aime mieux. Je sais pas, j'ai changé entre un album et l'autre et j'ai plein d'idées tous les matins quand je me lève. Et donc. C'est l'idée du moment, quoi. Un album sera toujours pour moi un polaroïde d'un instant T, et puis voilà, quoi. On se diffusera Les Morts le savent, parce que quand même, ça reste une grande actualité, ce morceau. Apprentis sorciers et les médicaments ne font pas toujours ce qu'ils disent. Les morts le savent. On trouve n'importe qui derrière les étiquettes, des gouvernements sans éthique. Les apprentis sorciers ne se vantent jamais d'avoir eu des accords classiques. Les morts le savent. Je viens voir les épaves quand je joue sur la plage. Tout seul, tout seul. On m'a dit c'est pas grave, tout subit, tout se lave. Tout seul, les morts le savent. On s'en va n'importe où, fatigué de tout. Rongeant les eaux qu'on nous dit dans la France. On attend de savoir, mais avec ignorance. L'orgueil est une vieille connaissance. Les morts le savent, les morts le savent, les morts le savent. L'orgueil. Les morts le savent, tiré de l'album Déménager. Les morts le savent, donc tiré de l'album Déménager de Daran, produit par Yarol Poupeau. C'était juste après Daran et les chaises, et c'était un virage électro, un peu étonnant. On le retrouve en interview tout de suite le 13 novembre dernier, et c'est Daran. Et c'est maintenant, c'est dans The Rocks. Il y a une vraie tendresse quand même pour pas mal de monde pour Daran et les chaises, pour les deux premiers albums. Est-ce que tu as conscience de ça? Qui a toujours ici, de l'autre côté de l'Atlantique, une vraie tendresse pour ces albums-là. Et puis, est-ce que tu es encore en contact avec les membres du groupe? On s'est perdu de vue, mais on s'est revu de temps en temps. J'ai revu Sauvia, j'ai revu... j'ai des mauvaises nouvelles, d'ailleurs, de Josh Fred qui se bat contre un cancer. La vie, quoi. ils ont fait des choses après Daran et les chaises. Hein, ils ont, tu vois, Nano, il a joué avec Kiffen, il a joué avec... Souviens, il a joué avec Cabrel, même. La tendresse pour ces deux albums, oui. Alors c'est marrant parce que même les gens plus jeunes que j'ai dans la salle, le renouvellement, comme je l'appelle, souvent ils connaissent Dormir dehors quand même, parce que souvent ils sont là parce que les parents les ont embrigadés et que malheureusement ils ne sont pas rebellés à l'adolescence, donc ils m'ont pas détesté à l'adolescence. C'est des mous. Sur les quais, la bouche ouverte, j'ai avalé la grêle. Je pense à toutes ces années perdues à faire du zèle, à souder de si près la tôle que les vapeurs d'acétylène n'ont jamais permis de voir les bateaux, les baleines. On m'a viré ce matin, je me suis jamais senti aussi bien à l'évidence. Olivia, j'étais pas fait pour. Pour ça, juste neuf. Je borderai les voiles de Wellington à Terre-Neuve. Je serai navigateur ou je ne serai rien. On m'a viré ce matin, je ne me suis jamais senti aussi loin. Allez-y, danse. Olivia. J'étais pas fait pour. Fait pour ça. Pense à tous ces hasards qui décident en passant. Du temps qu'il fait, du temps qu'il faut pour qu'enfin je comprenne. Quand c'est le de si près la vague, je peux toucher les baleines. Si j'ai viré ce matin, c'est que mon cap est encore incertain. Et là, des fabuleux morceaux de l'album 8 barrés avec ses belles paroles d'Alain Philippi, c'était Olivia. Il l'a joué ce morceau sur la scène du Bouillon, la petite scène du Bouillon, le 13 novembre dernier, Daran, et ça avait vraiment plaisir de l'entendre, ce morceau, 30 ans plus tard, on le retrouve. Quelle musique écoutes-tu, toi, lorsque t'as besoin de remontant? Ah, j'écoute pas de musique. Non. Ouais, c'est... Tu fais quoi? C'est marrant parce que dans les gens qui produisent comme moi... Il y a vraiment les deux. Je pensais être vraiment bizarre à écouter très peu de musique, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a les deux catégories. Il y a des gens qui écoutent de la musique tout le temps et des gens qui écoutent jamais de la musique. Et pourtant, on fait le même métier. J'écoute très peu de musique et quand j'écoute de la musique, je l'écoute vraiment. C'est-à-dire, je ne mets jamais de musique de fond chez moi. Il n'y a pas de musique d'ascenseur chez moi. Je suis même pas équipé, j'ai même pas de chaîne stéréo dans mon salon. Par contre, si j'écoute un album que j'ai envie d'écouter, je l'écoute dans mon studio. Je l'écoute vraiment, okay. Mais je l'écoute, voilà. Donc, les choses qui m'interpellent en prod, voilà. Je n'ai pas le temps de passer ma vie sur Apple à écouter des nouveautés, des trucs qui sortent partout. J'ai des rabatteurs. Il y a des gens en qui j'ai confiance, qui quand quelque chose de vraiment intéressant sort... m'en parle, donc l'info m'arrive quand même, quoi. Mais j'ai des premiers filtres. D'accord. Ouais, donc voilà, donc mais j'ai pas le temps, en fait j'ai pas le temps. C'est-à-dire que quand j'ai bossé 10 heures de musique par jour, je rentre pas chez moi, je n'écoute pas de la musique. Enfin, pour moi le luxe c'est le silence justement après. Et ça ressource. Ah oui, vraiment, ouais. Et parfois si j'écoute de la musique, je peux écouter même du classique, je peux écouter enfin des choses. Des choses que je trouve belles, quel que soit leur style. Alors, puisqu'on parle du dernier album, quel cadre idéal serait pour toi le cadre pour l'écouter? Un décor, un endroit, un moment? Je crois qu'un des derniers sanctuaires pour écouter la musique, c'est la voiture. C'est probablement un des derniers endroits où les gens écoutent un album en entier. Parce que souvent, chez eux, c'est de la playlist, ou enfin même en voiture, mais bon. Il y a le côté rouler en écoutant un album. Je trouve que c'est une... La voiture représente une espèce de bulle un peu hors du temps, ou voilà. Donc je crois que le voyage se prête bien. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on associe un morceau de sa vie à un album, qui fait qu'il nous est très cher très longtemps, quoi. Partout, c'était Daran tiré du dernier album. Je coupe un peu le morceau, mais vous le retrouverez en intégralité dans l'onglet émission spéciale on therocks.net, car l'émission touche bientôt à sa fin et j'aimerais quand même vous diffuser la dernière petite partie de cette interview. Je vous rappelle que Daran a sorti un album, mais que vous pouvez vous plonger dans sa discographie et il y a des choses vraiment assez merveilleuses. Voici la dernière partie. Merci au Bouillon, merci à Daran, à Jean-Jacques Daran lui-même et son bras en vrac d'avoir avec humour et m'avoir donné tout son temps pour cette interview 30 ans plus tard. C'est parti, dernière petite partie de l'interview de Daran enregistrée il y a quelques jours. Bon, j'ai vraiment été super content de te retrouver là. Rendez-vous dans 30 ans. On se reconnaîtra ou... pour un concours de déambulateur. Dans 30 ans, je pense que c'est, on parle d'exhumation pour moi. Écoute, je donnerai le premier coup de pelle. Merci beaucoup. Bon concert ce soir, j'ai hâte de revivre ça. Le lourd devant qui va hurler « Trou noir », alors que tu ne la fais pas en ce moment, c'est moi. Tu te souviendras. D'accord, pas de problème. ce que tu veux, mais moi je perds le sens de l'humour. Et oui, je reste au nom, je pars tout seul. Je vous laisse avec Rémi, la rédac du sport, dans quelques minutes. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission spéciale d'Aran sur onzerox.net dans l'onglet. Émission spéciale. Allez, ciao, bye bye. Et peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas. Je vous mets ça sur les réseaux sociaux. Peut-être émission, peut-être pas lundi prochain. En tout cas, dans 15 jours, il y a une nouvelle édition de Quij. Sans rien dire, puisque dire ne sert à rien, j'arrangerai les souvenirs demain, demain, on verra bien demain. Suivi des endommagés de temps, j'ai plus de mots. À force de désillusions, je deviens étanche. J'ai confondu la nuit et la nuit à te parler d'amour. Et je te perds peut-être par inadvertance.